Il avait tombé la chemise. Le voyant, je m'en suis éprise. Je suis tombé sur un tombeur. Un tombeur a conquis mon cœur. Il m'a dit, t'es belle à tomber. Jamais je ne te laisserai tomber. Je suis tombé d'amour heureuse. Oui, j'en suis tombé amoureuse. Il me traita comme une sainte. Mais quand je suis tombé enceinte, l'est devenue muet comme une tombe. J'en reviens pas, les bras m'en tombent. Il me traita comme une sainte. Mais quand je suis tombé enceinte, l'est devenue muet comme une tombe. J'en reviens pas, les bras m'en tombent. Pas tomber à l'eau. Je vois bien que ça tombe à l'eau. Notre amour est tombé en rade. Et moi je suis tombé malade. Mon tombeur m'a laissé tomber. Et j'en subis les retombées. Mon corps figé reste assis là. Je tombe de Caribe en Scylla. Je suis tombé dans la boisson. Et j'ai une voix d'outre-tombe. Un holocauste, une hécatombe. On ravageait notre passion. Je suis tombé dans la boisson. Et j'ai une voix d'outre-tombe. Un holocauste, une hécatombe. On ravageait notre passion. Il te laisse tout seul le tombeur. À toi d'aller gagner ton beurre. Le baby gros sur le séchoir te rappelle comme il t'a laissé choir. Mais l'horoscope m'a prédit qu'un jour ça tombera un lundi. Ce sera à la tombée de la nuit. Je retrouverai mon paradis. Il aura tombé la chemise. Le voyant, j'en serai éprise. Et je tomberai de bonheur dans les bras de mon beau tombeur. Il aura tombé la chemise. Le voyant, j'en serai éprise. Et je tomberai de bonheur dans les bras de mon beau tombeur.